Monsieur Crépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste des problèmes de santé liés à l'utilisation excessive des nouvelles technologies. Oui, effectivement. Beaucoup de personnes ont ce type de problème ? Oui, et de plus en plus. Les Français passent plus de 5h30 par jour devant leurs écrans. Celui de leur smartphone, de leur tablette, de leur ordinateur portable ou de bureau, et devant celui de la télévision. Et rester longtemps devant un écran est mauvais pour la santé ? Oui. Fixer un écran trop longtemps peut faire mal aux yeux et donner des maux de tête. En plus, si on reste longtemps devant un écran avant d'aller dormir, cela peut provoquer des troubles du sommeil à cause de la forte stimulation intellectuelle et parce que la luminosité perturbe notre cycle biologique. Quels conseils donnez-vous à vos patients ? Tout d'abord, je leur dis, faites des pauses régulières quand vous travaillez à l'écran et ne gardez pas toujours votre smartphone avec vous. Et ils vous écoutent ? Pas tous. Mais ceux qui suivent mes conseils règlent la luminosité de leurs écrans et l'éclairage quand ils travaillent ou lisent la nuit. Ils évitent d'utiliser les appareils électroniques avant de se coucher et ils éteignent leur smartphone la nuit. De cette manière, leurs yeux peuvent se reposer, leurs maux de tête disparaissent et ils dorment mieux. Merci docteur pour vos précieux conseils. Je vous en prie.